C'est ma dernière musique. Non. Oh non. Elle est ma thérapie, ma vraie amie. Elle sait me rendre vraiment ravi. Quand je me sens dérapé, elle me ramène dans le bon sens de la vie. Je dois rapper pour ressortir mon vrai avis. Mon vis-à-vis, c'est la réalité, la musique, ma maladie. J'ai trop écrit, j'ai mal aux mains. Je voulais rendre fiers les miens, sans argent, mais avec ce petit talent. Déposer ses jolies faces dans les tympans des gens. C'est ma conquête gravée sur ma peau et dans ma tête, elle m'accompagne là où la plupart des autres s'arrêtent. Alors sans cesse, je dresse mes mots sur ces mélodies, dans la joie ou la mélancolie. J'écris, je dis ce que l'on vit sans raconter ma vie. Maudit, fautif, oui je peux l'être, mais c'est avec le sourire que je puise mes plus jolies lettres. J'avance vers cette route interminable, vers ces rêves irréalisables. La musique est ma locomotion, ma seule option inévitable. Dans cette putain de folie je plonge, dans cette inspi je songe. En fin de compte, plus je m'éloigne d'elle, plus elle me ronge. Dernière page, dernier chapitre, dernier verset, alinéa. Voici la fin de l'histoire, de mes mots alignés là, de toutes mes idées là, mes idéaux que j'ai osé déposer là. Assieds-toi et prends des notes, non, nous ne sommes pas au cinéma. J'émane mes pensées quand je me sens bien ou mal, émane. C'est pour le monde entier, autant pour les hommes que pour les femmes, j'enflamme. Les préjugés de merde sur le rap et j'emmerde ceux qui le rendent si pâle, si fade, si faux, si fané. La musique est ma seule voix, pas besoin de succès mais de fan, ouais. J'avancerai seul sous la pluie pour elle, sans blouson ni kawaii. Laisse-toi embarquer par le son pour planer, pas besoin d'être camé. Mes musiques sont douces, mais je veux te faire agir, pas te calmer. Quand ta vie est un calvaire, quand la terre est un enfer, quand tout autour de toi tourne à l'envers, que doit-on faire? Trop de choses nous font face, chaque jour on joue nos vies à pile ou face. Rien qu'en traversant la rue d'en face, et j'en passe, conclusion. C'est la réalité, malgré le temps, peu de changements. Donc gardons la tête haute et vivons toujours positivement. Profitons de nos vies, l'amour et la vie, certainement. Amour et paix, soyons heureux, signé Faki, musicalement.